Yo les esprits gagnants, c'est Damien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer pourquoi tu dois absolument faire de l'investissement immobilier et quelle est la magie en fait de l'investissement immobilier. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à récupérer la formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Donc là, je suis en famille, en partie en week-end, quelques jours, et on s'est dit qu'on allait faire des Airbnb tranquillement. Et moi, en fait, tu me connais, j'habite à Paris, donc quand je pars comme ça en week-end avec les enfants, ce que je cherche principalement, ça va être le calme, ça va être des espaces, etc. Donc je vais aller chercher en fait, des petits villages. Et je me suis rendu compte, en fait, que tu pouvais faire de la location courte durée, limite n'importe où, même dans les petits patelins. Parce que j'ai souvent des questions de personnes qui me disent, Damien, est-ce que tu penses que ça va se louer? Parce que voilà, les gens, on va pas se mentir, toi tu veux par exemple de la grosse rentabilité. Et quand tu vas vouloir de la grosse rentabilité, ce que je vais te dire, c'est que bah, tu vas prendre des risques. Donc tu vas aller forcément dans des villes un peu moins grandes. Et là aujourd'hui, je dois être je pense dans un village de quelques centaines de personnes. Donc j'ai un petit appartement sympa dans une maison, une petite annexe d'une maison avec un jardin. Et j'ai demandé à la personne qui fait ça depuis un an, et il m'a dit que le taux de remplissage était vraiment excellent et qu'il avait voilà, il avait vraiment beaucoup de monde, que ça marchait très très bien, largement au-dessus de ce qu'il pensait. Je me parlais avec ma femme et je lui disais, mais c'est vrai qu'en fait c'est fou, c'est à Paris on t'es bloqué pour faire ce genre de choses, et limite en province tu vas être encouragé puisque je pense que lui il a eu aucun souci réglementaire pour faire de la location courte durée exactement comme il voulait, le temps qu'il voulait, etc. Ce qui veut dire que où que tu sois et quel que soit ton budget, il y a forcément un endroit où tu vas pouvoir investir par rapport à ton budget, où tu vas pouvoir investir par rapport à tes objectifs, tout simplement. Il y a une fausse croyance qui va dire que dans des petits villages, tu ne pourras pas louer. Dans cette vidéo, je vais te montrer trois Airbnb que j'ai loués à trois endroits différents. Donc, je vais te faire des petites vidéos de l'espace extérieur, de l'espace intérieur, et tu vas voir que c'est des Airbnb qui n'ont rien à voir, des endroits qui n'ont rien à voir, et ça se loue. Parce que c'est ça la magie de la location, de l'investissement locatif et encore plus de la location courte durée, c'est qu'il y a des besoins différents de toutes les personnes, et qu'en fait tu vas juste répondre aux besoins d'une partie de la population. Et tu n'es pas obligé de répondre aux besoins de l'ensemble des gens. Je vais te prendre un exemple. Moi, du coup, je fais des formations, donc j'accompagne des gens pour investir dans l'immobilier. Donc je réponds à un besoin de certaines personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Et j'aime bien regarder les personnes qui critiquent ça, qui disent qu'on n'a pas besoin de se former pour investir dans l'immobilier. Bah, ce n'est pas grave, sur le principe, ils ont le droit de penser ça. Et bah, voilà, ce n'est pas des personnes que je vais pouvoir accompagner, que je vais pouvoir aider, mais je n'ai pas besoin d'eux, ils n'ont pas besoin de moi. J'ai besoin de pouvoir aider d'autres personnes parce que c'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose qui rapporte aussi de l'argent et qui me permet de faire passer des personnes à un niveau supérieur dans l'investissement locatif. Il y a des personnes qui en ont besoin, donc on fait du gagnant-gagnant. Et dans ces locations courte durée ou l'investissement locatif pur, alors là je vais parler plus de courte durée dans cette vidéo, dans des petits villages et ensuite dans des villes un peu plus grandes, on va voir qu'en fait ça se loue. Parce que moi dans mon périple de ce week-end en famille, je voulais aller voir des châteaux, mais pas être pile poil dans la grande ville, mais être à côté pour être calme, tranquille par rapport à la vie parisienne. Donc on a choisi ça, et puis à un moment on a choisi, quand on va aller à Tours, on a choisi d'être en hypercentre. Donc je vais te montrer une autre location courte durée en hypercentre, etc. Et tu vas suivre tranquillement mon petit périple. Donc toi tu peux trouver, alors là on est vraiment, c'est le premier Airbnb qu'on fait, on est vraiment dans un petit bled paumé. Et voilà, on trouve un petit Airbnb basique, mais tu vois, à 4, assez confortable. Équipé, donc la personne elle a bien suivi tout ce qu'il fallait tranquillement. Le canapé, voilà. Petit magazine. Il y a tout ce qu'il faut, les magazines pour bien recevoir, la télé qui fait que voilà, la petite télé. Ensuite, il y a un coin nuit, ensuite une salle de bain, donc vraiment voilà tout ce qu'il faut. Un lit parapluie, donc cette personne, je sais même pas si c'est pour ça qu'elle soit fait former, mais en fait, elle a tout compris, elle a rajouté un couchage supplémentaire, donc on peut arriver à 4 personnes plus un enfant. C'est relativement propre, c'est correct. Voilà, premier Airbnb tranquille. Plus ce qu'on voulait nous avoir, c'est voilà, de la tranquillité, un peu être à la ferme, la campagne, donc un espace extérieur pour que les enfants voilà, puissent jouer un petit peu au foot tranquillement, le temps qu'on se prépare, qu'on tourne des vidéos. Et voilà, on a tout ça tranquillou. Donc nous voilà dans un nouvel Airbnb à Tours, donc en plein centre-ville. On voit que c'est pas du tout la même chose, on est dans un immeuble. Troisième étage, sans ascenseur d'un immeuble. Pas gênant plus que ça. Et on voit, en fait, je vais vous montrer un petit peu vraiment l'exploitation dans les règles de l'art d'un Airbnb. Donc c'est un super cas d'école. Je savais pas en arrivant que ça allait donner ça, mais je vais vous montrer dans les règles de l'art comment exploiter au maximum un Airbnb. Donc en fait, on arrive sur le palier, donc partie commune, aucune modification, on a la porte d'entrée et là, un sas commun et deux portes d'entrée. Donc en fait, il y a une division. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de savoir si la division elle est officielle ou officieuse. Je pense qu'elle est clairement officieuse. Mais en tout cas, dans l'exploitation en courte durée, ça va fonctionner. Et là, c'est l'appartement qu'on a loué. Et une optimisation, voilà, regardez. C'est exactement voilà, dans les coloris, les règles de l'art, vraiment. C'est propre, c'est bien dessiné. Regardez l'exploitation de la surface. Donc, petite surface au final, carrée, mais tout ce qui est sous-pente est super bien exploité. Donc, on a un couchage en bas. Donc, moi j'aurais mis un clic-clac en bas pour avoir deux couchages. Et ensuite, on a une petite mezzanine juste pour dormir. Donc elle est plutôt bien faite. Et là, en haut, un espace juste nuit. Pour moi, par contre, ce n'est pas, par exemple, assez sécurisé. Vous voyez ici, là, par exemple, c'est vraiment pas assez sécurisé. Mais dans l'ensemble, en tout cas, c'est plutôt bien fait, plutôt beau. Ensuite, c'est clairement un problème de sécurité. Adulte ou enfant, c'est la même chose. C'est moyennement sécurisé. Mais voilà, on fait une petite visite. Donc son panneau électrique, vous voyez. Tout est refait, propre. Vraiment dans les règles de l'art. Même. Donc même les toilettes sont assorties déco identique et homogène par rapport aux autres pièces. Sous-pente bien exploitée. Radiateur au top. Encore une fois, rangement juste comme il faut. Et là, salle de bain. Exploité exactement comme il faut. Voilà, pas de perte de place. Un petit peu limite dans la sous-pente quand on est grand comme moi. Mais au final, c'est juste ce qu'il faut pour que ça soit faisable. Donc on est vraiment sur un appartement super bien exploité. Dans une découverte et location courte durée. On s'attendait à un truc comme ça. Je n'avais pas vu venir le coup du sas commun, mais c'est idéal. Petite dédicace à Jean Baudin qui se fait nommer le diviseur immobilier. Et c'est vrai qu'il fait ça super bien et sa formation est vraiment bien. Donc si tu veux faire ce genre de choses, très honnêtement, la personne la mieux placée pour te former là-dessus, c'est Jean. C'est vraiment. Je me demande d'ailleurs si la personne qui n'a pas exploité ça, c'est pas quelqu'un qui a fait la formation de Jean, parce que c'est exactement le genre de choses qu'il préconise et dont il te montre pas à pas comment faire. Donc petite dédicace à Jean Baudin par rapport à ça. Donc voilà. On est dans le centre-ville, donc c'est pas la même chose. Bien évidemment, on n'est pas allé chercher un espace extérieur et tout, comme le premier courte durée. On s'attendait à ça. Bon, le petit truc, c'est qu'ils te disent pas que c'est au troisième étage sans ascenseur. C'est pas forcément plus gênant que ça. On avait une petite valisette de rien du tout, donc ça va. Donc, on continue notre petit tour des Airbnb. Et ce soir, nouvel appartement. On va découvrir un petit peu et je te ferai une vidéo pour te montrer encore un autre style. Donc, on est vraiment dans un appartement, dans les règles de l'art au niveau... au niveau Airbnb, au niveau division, donc c'est top. Si tu souhaites faire ce genre de choses, je t'invite à t'inspirer vraiment de ce genre de division. Après, un petit bémol sur le fait que je pense qu'elle n'est pas officielle. Je pense que c'est plus pertinent. C'est pertinent d'essayer de toujours faire des projets officiels. Donc, quand on fait une division, d'avoir une division officielle, ce qui va te permettre à la revente de potentiellement revendre deux appartements. Enfin, dans ce genre de passage, comme on a pu voir avec le sas commun, il te suffit juste de faire venir un géomètre pour faire la répartition entre les deux parties, le sas commun, etc. C'est pas très gros, c'est juste potentiellement impossible ou compliqué par rapport au PLU, au parking où il peut y avoir des besoins, etc. Et ça, voilà, ça dépend du PLU de ta ville. Mais si c'est possible, en tout cas, fais les choses dans les règles de l'art pour pouvoir anticiper de potentiels changements réglementaires. Donc à finir cet appartement, je vais te montrer du coup voilà Tu vois, ça, c'est la porte des parties communes. Donc, ça, là, elle n'a pas bougé. Et ensuite, à l'intérieur, du coup, on a les deux appartements. Et très important, on a cette porte-là. Donc, je n'ai pas ouvert, mais voilà, c'est une porte où il doit sûrement y avoir toute la partie entretien pour les personnes de ménage. Puis, dernier point, encore une fois, super bien joué pour éviter les frictions, éviter les coups. Il y a une boîte aux lettres qui est avec code qui est mis, une boîte à clé, pardon, avec code qui est mis en bas. Alors, elle est mise dans la rue pour voir si c'est vraiment autorisé. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, voilà, il y a un code et tout, c'est relativement sécurisé et ça évite d'avoir des frictions du coup. Et la seule chose à gérer derrière pour les entrées-sorties, c'est le ménage et du coup, tu vas diminuer tes coûts si tu le fais toi-même. Alors, je ne vais pas te la montrer la boîte parce que j'ai pas envie d'embêter cette personne et de voir l'endroit où elle est mise. Mais voilà, c'est une boîte qui est mise dans la rue assez discrètement. Tu reçois un texto quelques heures avant avec toutes les informations. C'est vraiment clean. Tu as le code Wi-Fi, tu as le code de la boîte et quelques consignes sympathiques. Ce qui fait que derrière, tu n'as même pas besoin d'appeler une seule fois le propriétaire et tu lui évites, tu t'évites toi en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire, de nombreuses frictions et potentiellement, ça peut te permettre d'éviter des frais de délégation qui peuvent casser un petit peu ta rentabilité. Donc nous voici dans le troisième Airbnb du week-end. Donc là, encore différent, plus chez les bidons. Donc c'est un Airbnb, en fait, on est collé à... c'est un peu une partie divisée dans la grande maison de l'habitant. Alors ça, ça a des avantages. C'est que du coup, on est mêlé un petit peu aux personnes qui vivent. On a pris le petit déjeuner avec eux et du coup, on discute. Les enfants peuvent jouer également ensemble. Et vous allez voir, voilà, ça a vraiment des avantages pour nous hein, qui sommes avec habitants à Paris. Ça permet aux enfants aussi de rencontrer des enfants du coin, de pas juste être consommateur de notre week-end, mais bah vraiment de faire des échanges, d'avoir des discussions avec des personnes, avec des locaux et de vivre plus à l'intérieur de ce petit village. Et clairement, par rapport à un hôtel, tu peux pas avoir... Là, on est... je sais même pas où on est, mais on est vraiment dans un petit village où je pense qu'il n'y a aucun hôtel et on n'aurait jamais trouvé un hôtel par là. Tandis que là, on est tranquille, on a pris un petit déjeuner avec des produits locaux et tout simplement, bah, nos enfants jouent avec les enfants des personnes qui nous ont reçus, de nos hôtes et avec des animaux, etc. C'est exactement nous, Parisiens. Bah, ce qu'on veut retrouver dans ces petits week-ends-là, on va ensuite partir en direction du zoo de Beauval, donc avec l'affluence, avec beaucoup, beaucoup de monde. Mais on aura eu ce petit moment de nature tranquille. Je vais vous faire visiter le petit coin pour continuer sur notre comparatif. Donc on est sur une prestation propre, c'est très propre. On n'est pas sur une maison totalement, donc on est plutôt en mode hôtel, c'est-à-dire une chambre familiale, mais assez confortable, assez grande, très propre. Voilà, une salle de bain. Très bien, assez grande, très correcte. Et puis des WC. Et du coup, ensuite, la particularité, c'est que l'espace, la cuisine est commune. Du coup, ça fait qu'on est reçu par nos hôtes pour prendre le petit déjeuner. Et... Pour résumer, troisième Airbnb original, sympa et qui permet vraiment de se reposer. On a les enfants, par exemple, qui étaient super tendus juste avant qu'on ait pris le petit déj, et là qui sont apaisés, qui ont joué avec les enfants de nos hôtes et qui sont détendus. C'est aussi la puissance hein, de ces petits villages, côté ferme, du côté tranquille, par rapport à nous, ce qu'on connaît dans les grandes villes. Donc c'est ça qui est intéressant et clairement c'est un des gros avantages aussi. Donc c'est on peut avec les locations courte durée, en fait cet épisode pour te montrer que tu peux en faire deux partout. Là on est dans un village je pense de quelques dizaines d'habitants et ils ont réussi à faire quelque chose d'original pour amener de l'originalité. C'est une prestation de coût de qualité en ramenant en plus un petit déjeuner où tu discutes avec les personnes qui viennent et tu leur amènes de la valeur, des produits locaux, etc. Donc où que tu sois, on a pu voir dans différents endroits, tu as une singularité dans l'offre que tu proposes sur ta location courte durée, ben en fait, tu peux en faire juste deux partout, où que tu sois. Donc, tu n'as pas de barrière réellement par rapport à ça. J'espère en tout cas que ce petit tour de location courte durée durant ce week-end t'a plu. Mets-moi dans les commentaires si tu veux que je refasse des épisodes un peu en mode comme ça, vraiment sur le terrain pour te montrer. C'est encore pour moi plus puissant qu'une simple vidéo. Donc, mets-moi dans les commentaires si tu es intéressé pour d'autres épisodes sur le même format. Je t'invite à récupérer la formation sur l'investissement locatif de A à Z. C'est cadeau, tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Puis tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu auras la petite cloche, tu cliques bien sur la cloche. Ça te permettra de recevoir les prochaines notifications. Puis, comme d'habitude, pour finir cette vidéo, ne sois pas juste un consommateur, sois un producteur. Et passe à l'action, kiffe la vie. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.